Oui. Salut Blockbuster, je suis en vacances là, tranquille, et je pense à vous, qui chaque semaine ou toutes les deux semaines doit se taper des mangas, doit en parler pendant une heure. Alors que nous, on est les doigts de pied en éventail. Eh ben, je me dis que vous avez quand même sacrément de la chance. Allez, gros bisous et bonne fin d'été. Bonjour Blockbuster, eh ben, je suis une mamie de 69 ans. J'ai découvert votre émission parce que je suis insomniaque et j'écoute la nuit la rediffusion. Et ben, je découvre plein de choses que je connais pas, c'est super. Et ça me plaît bien, bravo. Allez, à plus tard. Ah, un Blockbuster. Je comprends pas. Je crois que je viens de passer dans une faille spatio-temporelle. J'étais en train d'écouter Blockbuster le 25 juillet. Et là, je me retrouve, on est combien? On est au mois d'août. Je suis passé où? Je comprends pas. J'ai loupé plein de trucs. J'ai loupé plein d'épisodes de Blockbuster. Je sais pas où je suis passé. Je suis sûr qu'il y a une malédiction quand je vous écoute. C'est de votre faute. J'espère que... Là, je vais écouter tous les épisodes, mais... Je trouve la moindre anicroche, la moindre soupçon de vaudou, de choses comme ça, qui fait que je transplane, que je voyage dans le temps. Gare à vous, Blockbuster, la gare à vous, gare à toi, Frédéric. Allez, et des bisous. Oui, c'est Pierre. J'aurais qu'à un mot, restriction mentale. Amen. To be... Not to be. Rendez-vous compte, il y a des gens qui n'aiment pas les westerns. Comment c'est possible? Pour moi, c'est comme dire « je n'aime pas manger ». Parce que parler du western comme d'un genre, c'est extrêmement réducteur. Il y a autant de types de western qu'il n'y a de réalisateurs ou de réalisatrices. Alors certes, on a tous en mémoire les westerns présentés par Eddie Mitchell dans La Dernière Séance, ou John Wayne corrigé à coups de bourre-pif Made in America, des Indiens sauvageons, tout cela avant de prendre dans ses bras et d'embrasser une belle fermière transie d'amour dans l'embrasure de la porte de son ranch. Mais franchement, ces films n'ont rien à voir avec les westerns spaghetti de Sergio Leone, qui faisait la part belle à des salopards individualistes mal rasés, alcooliques avec des tronches pas possibles, qui mangeaient des haricots en boîte avant d'aller dans un bordel où une tenancière maniait aussi bien le fusil que la répartie. Et que dire des westerns crépusculaires de Clint Eastwood, à la limite du film fantastique comme Pale Rider ou Impitoyable ? 3h10 pour Yuma, le remake de James Mangold avec Russell Crowe et Christian Bale. L'Australien, un western formidable avec Tom Selleck, oui, Magnum, l'acteur qui conduit une Porsche que vous confondez tous avec une Ferrari. C'est une private joke. Et le regretté Alan Rickman. Je pourrais encore citer Mort ou Vive de Sam Raimi, The Nightingale de Jennifer Kent, Rango de Gore Verbinski. Bref, non, on ne peut pas dire je n'aime pas les westerns. On n'a tout simplement pas encore vu le western qu'il nous faut. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé. Et ceux qui creusent, toi tu creuses. Lorsqu'en 1966, Sergio Leone conclut sa trilogie de l'homme sans nom avec Le Bon, la Brute et le Truand, j'ignore s'il savait qu'il était en train d'offrir au monde la quintessence du western spaghetti. Sous genre cinématographique, pour beaucoup de critiques de l'époque, Sergio Leone a pourtant réalisé un chef-d'œuvre cinématographique teinté d'humour noir qui s'avère être une tapisserie sans concession de la nature humaine. Et pour évoquer ce film culte, j'ai avec moi Romain Patureau, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous animez la chaîne YouTube Héroïque Cinéphilie, qui parle de cinéma et de littérature, et vous avez démarré tout récemment la sortie d'un livre audio intitulé Walnut Grave, un roman mêlant western et thriller qui s'étendra pour l'instant sur une dizaine d'épisodes. C'est ça. Exactement. Avec nous, et je suis ravi, Éric Libio, bonjour. Bonjour, mais je suis ravi aussi, bonjour Frédéric. Alors, rappelons-le pour les auditeurs qui vous connaissent quand même. Hein. Vous êtes journaliste à Lire, un magazine littéraire, et vous êtes auteur de Clint et moi, chez Lattès, et dernièrement, on a les héros qu'on mérite chez mon mentor, à Lire EBI. Vous êtes également membre du comité sélection du Festival de Cannes. Eh oui, c'est fou ça. C'est fou. À mon âge. C'est fou ce qu'on en fait. Hein. Avec nous, Maximilien Pierrette, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste cinéma et série chez Allociné. Exactement. Allez. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui écoutent Blockbuster et ceux qui dépriment. Vous, vous écoutez Blockbuster. Comment as-tu pu manquer ton coup, blondin? On rate pas son coup quand c'est moi qui ai la cravate de chambre. Toi, on te l'a jamais passé, la corde au cou. Eh ben, je t'assure, blondin, quand le nœud se met à serrer, tu sens déjà le diable qui te mordit les fesses. Mais c'était un peu risqué. Tu as raison, descends. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'un voleur de poules comme toi ne vaudra jamais plus de $3000. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'avec quelqu'un comme toi, franchement, il n'y a aucun avenir. Explique-toi. Eh bien, moi, je préfère rompre l'association. Non, non, non. Je romps l'association, mais toi, tu restes attaché. Et les 3000 dollars, c'est moi qui les empoche. Tu es la plus infecte crapule que la Terre ait jamais portée. Le premier village est à 110 kilomètres d'ici. Si tu économises ton souffle, tu dois pouvoir y arriver. Sans rancune. La voix incroyable en version française de Jacques Deschamps qui doublait Clint Eastwood, Blondin dans Le Bon, la Brute et le Truand. Et vous avez également entendu Claude Bertrand qui doublait Eli Wallach, le fameux Tuco. Éric Libio, j'ai parlé de western spaghetti tout à l'heure, mais qu'est-ce qui différencie un western spaghetti d'un western traditionnel ? Eh bien, c'est une production italienne, hein. Même les Américains appelaient ça des western paella parce que c'était tourné en Espagne. Mais la grande différence, c'est que ce sont des westerns qui sont arrivés dans les années 60, alors que la grande période du western, c'est plutôt 30-55 aux États-Unis, à Hollywood. Nouvelle génération, nouvelles histoires, nouveaux metteurs en scène, et puis une façon de démythifier le western classique américain. Surtout, ce sont des westerns où, vous l'avez dit, c'est plutôt des méchants qui sont les héros. Et puis ce sont des westerns, et ça c'est primordial, qui vont à l'encontre du roman américain. C'est-à-dire que, en fait, l'Amérique a raconté, on parle du roman français comme on raconte l'histoire de France pour un peu l'embellir, et en fait les Américains se sont servis du western pour embellir sa propre histoire, ce qu'on appelait le roman américain, et tous ces westerns italiens sont venus un petit peu détruire cette mythologie et proposer une contre-histoire des États-Unis. C'est aussi pour ça que c'est pas seulement juste des westerns pour faire rire, c'est des films qui ont vraiment une importance historique très importante dans l'histoire du cinéma et même dans l'histoire de la civilisation américaine, si je puis parler un peu costaud. Et cette envie justement de se réapproprier une histoire qui n'était racontée que du camp des Américains, blanc, fort, John Wayne, etc. Comment ça a pu naître en Espagne et en Italie parce que là, on est vraiment face à un phénomène d'appropriation culturelle. Oui, c'est pour des raisons à la fois économiques, culturelles, esthétiques. Il y avait eu des westerns. Ça a commencé par des westerns tournés en Allemagne, d'après les romans de Karl May avec Winnetou. Et puis il faut savoir qu'en Italie, à Cinecittà, les metteurs en scène américains venaient tourner des péplums. C'est d'ailleurs comme ça que Sergio Leone a commencé. Et puis le cinéma américain, c'est le soft power. Donc il y avait une mythologie qui était née dans tous les pays du monde, et notamment en Europe, principalement en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne et en Angleterre. Donc ils étaient baignés dans toute cette mythologie. Et Sergio Leone, qui était à l'enfant de la balle, puisque ses parents travaillaient dans le cinéma, il est très cinéphile, très cultivé, a évidemment été baigné dans cette mythologie-là, et donc tout naturellement, quand ils ont décidé de faire du cinéma, il a commencé par un péplum, le Colosse de Rhodes de Sergio Leone. On lui a proposé d'autres péplums, mais lui, il n'en avait rien à faire. Il voulait justement se confronter à cette mythologie qu'il avait fait grandir. Et il a eu l'idée, même s'il y a eu certains western spaghetti avant lui, il avait envie de se confronter à cette mythologie-là. Il y a John Ford qui lui avait donné envie de faire du cinéma. Romain Patureau, à quel moment avez-vous découvert le western spaghetti? Et est-ce que vous avez tout de suite su distinguer que vous aviez pas à faire un western traditionnel? Moi, en fait, le western, quand j'étais gamin, ça m'intéressait pas du tout. J'avais vu l'été. Il était une fois dans l'Ouest, pardon. Je m'étais ennuyé. Non. Si. Bon, je m'en vais. Ça arrive à des gens bien, il paraît. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que il y avait une collection Lucky Luke quand j'étais gamin, en fait. Et un jour, ils nous ont vu que j'étais abonné. Ils nous avaient envoyé un western, un DVD de western, et c'était du coup la version restaurée du Bon, la Brute et le Truand. Le film, le DVD, il est resté très longtemps à prendre la poussière. Et quand j'avais 16 ans, j'ai découvert Tarantino. Et vu que Tarantino fait très souvent référence au western et surtout au western spaghetti dans ses films, j'avais envie de découvrir un petit peu. Et du coup, comme il y avait ce DVD qui traînait, je l'ai regardé et ça a été une claque monumentale, quoi. Tout le film. Après, j'en ai vu d'autres des westerns, surtout toute la trilogie du dollar, mais et aussi la trilogie Était une fois. Mais c'est vrai que j'ai Le Bon, la Brute et le Truand, c'est vraiment mon western, même mon western global préféré, parce que il y a vraiment une patte, il y a cet équilibre parfait entre pessimisme et comique. Et puis surtout, il y a la musique d'Ennio Morricone qui est hallucinante. Sauf qu'en plus, c'est un des rares westerns où la musique était composée avant le tournage du film. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de scènes où la musique était passée pendant le film. Alors, j'ai toujours regardé sur Internet, j'ai jamais trouvé justement d'informations sur ça, parce que Ecstasy of Gold, par exemple, quand on a du coup la scène où tout court dans le cimetière, je me suis toujours demandé, par exemple, si à ce moment-là, il y avait la musique qui passait, parce que la scène était vraiment hallucinante. Maximilien Pirette, oui. Vous, votre rencontre avec le Western Spaghetti, ça s'est passé comment? Parce que là, je sais qu'on a des auditeurs un peu plus âgés qui ont connu les dernières séances. Et puis, il y a une génération de cadras qui a vu les multiples rediffusions. D'ailleurs, Le Bon, la Brute et le Tronc est repassé il y a très peu de temps. Ah bah moi, il se trouve que je l'ai vu en salle il y a quelques semaines. Je l'avais déjà vu. En fait, il y a un peu comme au roman, il y a ce moment où, à force d'entendre Quentin Tarantino parler de ce film-là, et notamment de la scène de duel final qui, de ce qu'il dit, est l'une de ses préférées, ce qui est une preuve de goût, je me suis dit, c'est des films qu'il va falloir que je regarde moi aussi, quand même. Et moi, j'étais en fait en fac de cinéma au début des années 2000, donc c'est ce moment où, forcément, on te demande ou on te conseille de regarder certains classiques, et en même temps, comme les profs font bien leur travail, en fait, ils génèrent chez toi une envie de les regarder par toi-même. Donc c'est le moment où je me suis dit, ces films-là, j'ai un peu trop repoussé l'échéance, va falloir que je m'y confronte, c'est-à-dire les films comme Chantons sous la pluie, Le Bon, la Brute et le Truand, tous ces monuments en fait que tu regardes en te disant, j'espère que je vais pas être déçu, j'espère que je vais les aimer aussi, parce que pourquoi je vais passer en fait finalement si je reviens en disant j'ai regardé l'un des plus grands westerns du monde selon vous et en fait je suis pas d'accord. Et il se trouve que si, j'adore, c'est mon western préféré, c'est un de mes films préférés tout court, et je rejoins en fait Romain dans son analyse en fait sur à la fois la noirceur, et moi ce qui m'a marqué beaucoup c'est le côté fun du film, alors sans que ce soit une énorme pantalonnade non plus, une grosse comédie, mais comme c'est une histoire de chasse au trésor où t'as trois personnages qui ont chacun une information sur l'emplacement du trésor mais pas la même, forcément, il faut qu'il... Il y a des tractations permanentes. C'est ça. Mais l'idée, c'est aussi d'être le plus fort. Donc, en fait, il se tire dans les pattes. Et ça donne un côté assez... À la fois absurde, un petit peu aussi, mais un côté assez, assez fun. Alors, ce qui n'est pas l'habitude... C'est pas, en fait, le mot qu'on associe généralement au western. Et moi, c'est ce qui m'a marqué dans ce film. Éric Libio, il y a cette dimension effectivement d'humour noir, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres films chez Sergio Leone. Oui, ça vient aussi de la Commedia dell'arte. Hein. C'est une vision à la fois comique, culturellement. Il avait demandé pour ce film-là, pour Le Bon, la Brute, à Jacques Scarpelli, qui était deux grands scénaristes de la comédie italienne, qui avaient bossé avec Risi, avec Monicelli, avec Comencini, de travailler avec lui, parce qu'il voulait une espèce de film assez épique, un peu picaresque, donc sans doute un peu plus drôle que les deux premiers westerns, que les deux premiers dollars. Et en fait, il a trouvé le scénario d'Adje Scarpelli nul, donc il l'a jeté. Mais ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein, on demandait à un tel ou un tel de venir participer au scénar, et puis on gardait pas forcément tout. Mais on peut imaginer. Alors moi, j'ai évidemment jamais lu le scénario original de Adje Scarpelli, mais on peut imaginer qu'il y avait quand même quelques touches un peu comiques, parce qu'il s'inspirait d'un film de Monicelli qui s'appelait La Grande Guerre, et c'est pour ça que Leone leur avait demandé de participer avec eux, de travailler avec lui. Mais Leone, c'est quelqu'un... On sait que le tout premier dollar, c'est adapté de Goldoni, donc c'est quelqu'un qui a cette culture-là du mélange des genres. Et puis, encore une fois, ces films-là, c'est aussi du baroque. Le baroque, c'est du mélange des genres. C'est à la fois du romanesque, du classique et de la rupture de ton. Et donc, ils avaient cette culture-là beaucoup plus que les Américains, les Européens. Et comme Leone était quand même le plus intéressant de tous les metteurs en scène italiens, c'est lui qui a poussé le bouchon encore plus loin, et ce qui donne les résultats absolument formidables qu'on connaît aujourd'hui. Un des ingrédients essentiels des westerns de Sergio Leone, outre les gros plans, les cadres en contre-plongée et la dilatation du temps, c'est bien évidemment Ennio Morricone, une œuvre d'art à lui tout seul. Thank you. Blockbuster. Quand je cherche quelqu'un, je le trouve toujours. Frédéric Sigrist. C'est pour ça qu'on me paie. Sur France Inter. Le thème d'Ennio Morricone, du bon, la brute et le truand. L'armée qui aura le plus de bouteilles pour ses soldats avant de les envoyer se faire massacrer aura gagné. Eh oui, avec ceux qui sont sur l'autre rive du fleuve, on n'a qu'une chose en commun. On pue tous l'alcool. Comment t'as dit que tu t'appelais? Et toi? Oh, joli nom. On s'en fiche des noms. Regardez-moi ces courageux garçons du pont de Langston. Deux assauts par jour. Deux assauts par jour? Ouais. Les sudistes considèrent que ce pont est la clé de la victoire. Ce ridicule petit pont. Une chiure de mouche sur les cartes de l'état-major. Et ils ont décidé en haut lieu qu'il fallait prendre cette chiure de mouche. Même si on devait tous y penser. Sinon, la clé de la victoire, elle restera au clou. On vient d'entendre André Valmy qui double Aldo Geoffrey, le capitaine nordiste Clinton, alcoolique, pris dans une guerre de sécession sans qui n'a aucun sens. Parce que c'est aussi ça, Maximilien Pierrette, le bon, la brute et le truand, c'est l'aberration des guerres entre hommes. Mais c'est ça, en fait, on parlait d'absurde tout à l'heure pour décrire la relation entre les trois personnages principaux. En fait, ça s'étend à tout le film parce que ce qu'on n'avait pas précisé, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est que ça se passe pendant la guerre de sécession. Et que justement les personnages principaux vont se retrouver mêlés à ce conflit qui effectivement est complètement aberrant. Les gens savent pas pourquoi ils se battent. Il y a même une espèce de gag sur le fait que leurs tuniques, donc les tuniques à la fois claires et foncées pour les départager, bah en fait avec la poussière, en fait des fois il se trouve que Tuco les confond. Donc en fait on sait même pas qui est dans quel camp, on sait même pas qui fait quoi, on sait même pas pourquoi les gens se battent. Donc en fait c'est un film qui est beaucoup plus profond qu'on pourrait le croire. C'est vrai qu'on parlait de films un petit peu fun, de chasse au trésor, de bras cassés un petit peu. Et en fait non, c'est un film qui dépeint en fait toutes les absurdités de l'âme humaine. En fait tout le spectre de l'âme humaine. C'est pour ça qu'en fait le bon, la brute et le truand, on se rend compte que finalement tout le monde est un peu un truand dans le film, tout le monde est un petit peu une brute, tout le monde n'est pas forcément très bon, et en fait ça correspond aux hommes en général, et la guerre telle qu'on la voit dans le film, c'en est vraiment la représentation parfaite. D'ailleurs, ces trois criminels ont cette réflexion quand ils, notamment Tuco et Blondin, quand ils voient tous ces soldats partir au front, ils disent « Mais j'ai jamais vu autant de gâchis de vie humaine qu'en les voyant courir, alors qu'en plus ils sont tous alcooliques, comme ceux d'en face. » Et c'est vraiment... Serge Lelone prend le temps de montrer l'inanité de cette bataille pour un pont que finalement ils vont faire exploser. Oui. Parce que comme ça, bah, ils partiront. Comme un tas de paille. Comme un tas de paille. Et alors, on parlait de la trilogie du dollar. Et Eric Libio, chronologiquement, à quel moment se situe Le Bon, la Brute et le Truand par rapport à ces trois films? Eh ben, on comprend par une des dernières scènes, celle que je préfère d'ailleurs, qu'en fait, il se situe avant le premier. Puisqu'il y a une scène où Blondin récupère, je l'appelle Clint, hein, oui. Pardon, récupère le poncho mythique et va le vêtir pour la dernière scène dans le cimetière. Donc là, on comprend que ce troisième film ne se passe pas après les deux autres chronologiquement, mais avant, comme Sergio Leone clôt sa trilogie, et on sait que la figure du cercle est très importante chez lui. Hein, la corde, on le voit, la montre et pour quelques dollars de plus, la place du cimetière à la fin du duel, et puis le cycle de la vie, la mort, la vie, la mort, la vie, c'est une thématique métaphysique qu'exploite Leone. C'est pour ça que moi, le côté fun, alors, pardon, mais j'arrive pas à trop, je prends un plaisir énorme, mais je trouve que c'est pas fun du tout, les films de Leone, c'est au contraire une revisitation assez terrifiante de ce que vous disiez, de la nature humaine, et que ce film-là, sur la guerre de sécession, c'est une des grandes marque de Léon de dire que l'absurdité, d'abord, c'est un grand pacifiste. Le film est excessivement pacifiste. C'est évidemment écho à la Seconde Guerre mondiale que Léon avait connu en Italie, parce que son père a été mis au banc de la société italienne par Mussolini à cette époque-là. Donc ça l'a énormément marqué. Et puis lui, Léon, il préfère les trajectoires individuelles aux idéologies collectives. On le verra beaucoup plus dans Une fois la Révolution, où là, il se moque complètement des grandes idéologies, puisque là pour le coup, c'est beaucoup plus drôle, mais à la fois terrible, beaucoup plus dramatique que ces autres films. Ça commence en étant drôle, et après, ça devient... La Révolution ? Oui. Oui, bien sûr. Mais ça devient absurde aussi. Oui. Quand ils cherchent le trésor, ils ouvrent la prison, et ils voient que, en fait, ils ont libéré des prisonniers et qu'ils n'ont pas récupéré de l'argent. Il y a une espèce d'absurdité absolue. Donc, les films de Léon sont quand même beaucoup plus, en dehors de la revisitation du mythe américain, sont vachement plus profonds qu'on ne pense, quoi. En dehors de l'incroyable modernité des films formellement, ce sont des films qui ont une vraie morale et une vraie culture. Et Clint Eastwood, comment il se retrouve là-dedans, parce qu'il avait une carrière américaine, et tout d'un coup le voilà qui obéit à un réalisateur européen. Qu'est-ce que ça représente dans sa carrière, ces films, ces western spaghetti? En fait, Clint, j'appelle Clint, il était en train de tourner une série pour la télé qui s'appelait Worldwide. Il était à la troisième saison. Jusqu'à présent, sa carrière n'avait pas vraiment marché. Il avait même failli abandonner le cinéma. Et puis, il avait été rattrapé par les Santiago pour tourner cette série. Mais les producteurs, cette série commençait à marcher, les producteurs lui avaient interdit de tourner autre chose aux États-Unis, et sûrement pas un western. Il n'avait pas le droit de tourner des westerns aux États-Unis. Donc, quand il a reçu la proposition d'un film en Italie, enfin tourné en Espagne, d'un western, il s'était dit pourquoi pas, sans savoir évidemment ce que c'était. Et Léon l'avait choisi, d'abord il avait choisi d'autres acteurs qui avaient refusé, et il aimait bien Eastwood parce qu'il avait un côté un peu gendre sympathique, très totalement inexpressif, parce que je dois reconnaître que Clint n'est quand même pas un très grand comédien. Il est monolithique. Voilà, on peut pas dire qu'il est... Voilà, comme disait Léon, Clint a deux expressions, avec ou sans chapeau. Je trouve que ça s'est bien résumé la situation. Et donc il l'a engagé pour ce film-là. Ils se sont plutôt très bien entendus. Ils en ont tourné un deuxième, puis un troisième. Et en fait, ces trois films-là sont sortis aux États-Unis en même temps, mais après plusieurs années après les avoir tournés. Donc Clint n'était même pas très très connu à l'époque, sauf que sa trilogie l'a évidemment rendu mondialement connu. Romain Patureau, la figure du cow-boy porté par Clint Eastwood, c'est forcément quelque chose dans l'histoire de la pop culture dont on se souvient. Ah oui, c'est déjà rien que Clint Eastwood lui-même. C'est quand on voit ces films suivants, voilà les westerns qu'il a réalisés, mais aussi surtout l'inspecteur Harry. À chaque fois, c'est toujours Blondin qu'on voit, c'est toujours l'homme sans nom. Et puis derrière, il y a une ce film, même si on l'a pas vu, on le connaît forcément. Genre typiquement quand on veut parodier un western, la première chose qu'on fait, c'est faire le fameux plan où on voit à travers les jambes de quelqu'un avec le type en face, et on met générique du Boulin Boute et tout par-dessus. Et puis derrière, il y a eu quasiment tout le monde, en fait. C'est pour ça que ce film est très didactique. C'est que on peut retrouver des références au Boulin Boute et le Truand dans plein de choses, mais dans plein de domaines. Par exemple, dans la musique, vous avez Metallica qui commence tous ses concerts avec Ecstasy of Gold. Il y a Dire Straits aussi qui commençait c'était le thème, je crois, qui jouait en début de concert. Il y en a Tarantino qui fait souvent référence à Reservoir Dogs. Littéralement, c'est quasiment la même fin. Et ça va aussi dans des trucs un peu plus enfants. Par exemple, dans le dessin animé Kaelou sur Canal+, ils font référence au Boulin Boute et le Truand. Dans Transformers 3, il y avait à un moment donné une scène comme ça où il y avait des robots qui étaient face. Il y en avait même un qui disait littéralement « Ah, c'est cool, un Mexican stand-off, oui. Un passe Mexican ». Évidemment, Lucky Luke aussi, où Maurice parodiait beaucoup. Retour vers le futur. Typiquement Retour vers le futur. Et ça, on peut en citer des centaines, et ça continue maintenant. Et c'est ça qui est fou, de voir à quel point ce film-là en particulier, comme Il était une fois dans l'Ouest aussi, c'est vraiment les deux qui ont vraiment marqué. Et ça va, mais même dans Star Wars, il y a des références à ça, quoi. On est très loin d'avoir tout dit sur Le Bon, la Brute et le Truand, mais pour le moment, on écoute Jojoa et Lieutenant Nicholson avec Cœur Béton. Cette émission est réalisée par Camille Mathy. Elle a été préparée par Manon Rax, Aurore Mansip et Emma Ferret, avec l'aide de nos stagiaires Benjamin Woodcock et Alice Galtier. c'est la lumière. Joa et lieutenant Nicholson, cœur béton. Va, reprends ton chemin, Tuco. À l'aventure. Et que le Seigneur ait pitié de toi. Ouais, ouais, je m'en vais, mais en attendant que le Seigneur se souvienne de moi. Moi, Tuco, Benedictio Pacifico, Juan Maria Ramirez, je veux te dire quelque chose. Tu te crois meilleur que moi. Mais dans ce pays, Pablo, si on ne veut pas mourir de faim, il faut faire ou le moine ou le bandit. Tu as choisi ta voie et moi j'ai choisi la mienne. Et c'est moi qui en bave. Tu me parles de nos parents, mais quand tu es entré au monastère, moi je me suis retrouvé tout seul. J'avais pas plus de 10 ans, j'ai dû me mettre au boulot, et je l'ai fait. Sans où se péter, c'était inutile. Je vais te dire encore quelque chose. Toi, tu as décidé d'être un moine parce que tu étais trop lâche pour faire ce que moi je fais. Ah, petite querelle fraternelle entre Tuco et son frère, le père Pablito Ramirez, interprété par Luigi Pistilli et doublé en français par René Berryard. Alors depuis le temps, rares sont celles et ceux qui ne reconnaissent pas que Le Bon, la Brute et le Truand est un grand film. Pourtant, il fut une époque où les gens, ils aimaient pas. J'aime pas. Bon, alors ensuite, il y a maintenant, je ne sais quoi, un film policier italien de Sergio Leone, et je n'ai pas vu ça, il paraît que c'est très bien, Le Bon, La Brute, Le Truand. C'est un western. C'est un western. Alors, western. C'est vraiment très très bien, Marc. Non. Bruit. Non. J'ai été nourri à la mamelle du western, de John Ford. De John Ford. De la chanteuse de saloon. De Hawks et de leurs compagnons, et voir ce genre tomber entre les mains d'abominables salopards qui relèvent du coup de pied au cul, eh bien, moi, ça me gêne terriblement. Comme dirait Boris. Non, mais moi, j'aime le vrai western, c'est-à-dire le western chevaleresque où il y a un bon qui venge sa fiancée outragée ou son meilleur copain, ou alors sa jument. Et là, il y a uniquement des salopards. Bon, mais finalement, on a l'impression que c'est un pot pourri des situations, non pas du western américain, mais du western ersatz italien. C'est-à-dire que, bon, Le film part dans 40 directions à la fois. Il dure 3 heures. Il pourrait durer 10 heures. Il pourrait durer une semaine. Il pourrait durer une semaine. Il pourrait durer un mois. Quoi. C'est... Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a pas de raison que ça commence non plus. Éric Libio, alors on l'a entendu tout à l'heure, Maximilien Pirette le disait, on étudie même désormais Le Bon, la Beauté et le Truand en fac de cinéma, mais fut une époque où c'était vraiment considéré comme un cinéma de seconde zone. Oui, alors moi qui ai beaucoup écrit sur les films, j'en ai raté certains, mais à ce point-là, je crois pas quand même, parce que c'est assez sidérant, mais faut dire que la critique française est... Encore aujourd'hui, beaucoup moins, mais encore aujourd'hui, a beaucoup de mal avec le cinéma de genre. Alors évidemment, ils sont très contents de pouvoir dire beaucoup de bien de Ford, de Hawks, de Walsh ou d'Anthony Mann. Enfin, à une époque, la critique leur tapait dessus aussi. Hein. C'est grâce au cahier qu'on a redécouvert ces cinéastes-là. Mais là, on voit quand même qu'ils n'ont strictement rien compris au film. Alors, je veux bien qu'on n'aime pas les films de Léon, mais ne pas comprendre que c'était justement le revers de la médaille du cinéma américain qui racontait... à leur sauce, la glorification de l'Amérique, en tout cas des soldats américains, s'est passé complètement, même intellectuellement, à côté du film, du propos et de l'esthétique du film. Enfin, c'est assez étonnant quand même d'entendre de telles paroles. Mais c'est vrai que le cinéma de genre, et le polar, pareil, le film noir, ça a été très incompris. Mais le cinéma et le western, mais le western continue un peu à l'autre. Il y en a de moins en moins, mais ça continue à être pris pour des espèces de films de distraction. Alors que c'est évidemment tout le contraire. J'ai beaucoup aimé le début de l'extrait quand on entend. Alors donc ce serait un film policier. Non, c'est un western. Mais non, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Mais après, je pense qu'il y a un passage qui résume bien en fait le pourquoi du comment. C'est la personne qui dit « Moi j'ai été noué à la mamelle de John Ford ». Effectivement, c'est comme ce que vous disiez Frédéric en introduction sur les différents westerns. C'est vrai que si on ne jure que par les films de John Ford, et surtout les premiers avec John Wayne, qui vraiment sont vraiment la réécriture totale de l'histoire américaine, forcément, quand on voit les films de Sergio Leone en face, qui sont beaucoup plus critiques et qui sont beaucoup moins dans la réécriture, ou sinon la réécriture de la réécriture, on doit faire la tête. Mais c'est assez étonnant en fait de voir en fait que la violence des propos de cette critique. Après, t'as aussi le fait que pour l'époque, le film était quand même assez violent. Alors évidemment, maintenant on s'en rend moins compte parce qu'on est habitué quand même à des films un petit peu plus hardcore. Mais c'est vrai quand même qu'il y a il y a la scène où il y a Lee Van Cleef qui tabasse une prostituée. Il y a cette scène aussi quand Tuco va être pendu où ils font la liste de tous ces chefs d'accusation et on se rend compte que c'est chaud ce que ce gars il a fait. Et c'est le comique de l'équipe. Donc il y a ce côté aussi que c'est vrai quand même qu'à l'époque les ah oui c'est pas dessin. Hein. C'est par rapport au film de John Ford. Là on a complètement abandonné le bon chevalier servant quoi. D'ailleurs c'est ça d'ailleurs dans le film qu'il y a, c'est que comme c'est juste des gars qui vont chercher un tas d'or, il y a pas de demoiselle en détresse à sauver comme pouvait y avoir dans beaucoup d'autres westerns, il y a pas de ville à sauver littéralement comme pour une poignée de dollars. Le seul enjeu, c'est juste d'aller récolter du fric. Il y a la guerre de sécession qui est en cours. Les gars, ils en ont rien à faire. Faut juste aller chercher le pognon. Oui, d'ailleurs, ils font sauter le pont juste pour qu'ils s'éloignent et qu'ils puissent aller chercher l'or. Et c'est ça qui est hallucinant pendant tout le film. C'est qu'en plus, les types sont sont littéralement des criminels. Et ils font que se trahir. Il n'y a pas une seule scène où les gars sont sincères. À chaque fois qu'ils commencent un petit peu à avoir une petite relation, non, c'est cassé au bout de 5 minutes. La seule scène qui est où il y a un personnage qui est vraiment, on va dire, qui est honnête, c'est la scène justement qu'on a entendu. Voilà, quand Tuco s'énerve avec son frère parce qu'il vient de lui annoncer le décès de ses parents. Et même là, après derrière, quand il sort pour retrouver Blondin, première chose qu'il fait, c'est de dire que ouais, avec mon frère, on vient de manger ensemble, c'était cool et tout, ça fait du bien d'avoir mon frère. Oui, mentir, c'est une seconde nature chez eux. Ça n'arrête pas. C'est ça qui est formidable chez Léon. En fait, la seule mission qu'on s'accorde, c'est vis-à-vis de sa propre morale. En fait, c'est là où Léon est formidable parce qu'il propose une autre façon de voir, comme vous disiez, une autre façon de voir la nature humaine. Dire que et c'est exactement la même façon de voir de Eastwood, de Clint, donc dans tous ses films, c'est-à-dire C'est-à-dire que si éventuellement ça peut faire du bien à soi-même, tant mieux. Si ça peut faire du bien aux autres, tant mieux aussi. Mais c'est toujours pour soi. Et on le verra dans José Welles sur la loi, le second western de Clint Eastwood, où c'est un type qui veut être misanthrope, comme dans tous les films de Eastwood, mais qui arrive pas. Malheureusement, il veut faire que pour lui, mais il traîne derrière lui toute une ribambelle de laissés pour compte de l'Amérique du 18e, du 19e, pardon. Et c'est la morale que défend Léon. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a que la morale personnelle qui compte. Et ça, je trouve ça vachement intéressant comme façon de regarder le western et donc la façon dont on vit sur Terre, quoi. Maximilien Pirette, il y a évidemment deux acteurs dont on n'a pas encore assez parlé, c'est Lee Van Cleef et les Wallach qui sont quand même énormes aussi dans ce film. Oui, parce que c'est vrai qu'ils ont pas eu la carrière de Clint Eastwood, qui après voilà est revenu aux États-Unis. On parlait de José Welles hors la loi, qui est l'un des films qu'il a réalisé et puis il réalise encore des films aujourd'hui. Mais Lee Van Cleef, donc qui joue la brute, même si ce sont tous des brutes, et qui jouait dans Et pour quelques dollars de plus, déjà en fait une espèce de rôle un peu miroir, parce que dans Et pour quelques dollars de plus, il était entre guillemets gentil, puisque personne ne l'est vraiment dans les films de Sergio Leone. Et voilà, et c'est encore un personnage. On parlait beaucoup des gros plans sur les regards chez Sergio Leone. Quand t'as un acteur comme Lee Van Cleef, la moitié de ton boulot est fait sur les plans des regards. Qui est proprement magnifique. Hein. Ah, mais c'est... en plus, il pourrait jouer le bon, il pourrait jouer le héros du film, que ça choquerait personne. Et donc voilà, et en plus, c'est un acteur après qui a peut-être pas eu la carrière qu'il méritait, mais qu'on a retrouvé chez John Carpenter, notamment dans New York 1997, qui est un western. Voilà, aussi. Exactement comme à peu près tous les films de John Carpenter, finalement. Et après, Eli Wallach, en fait, c'est un acteur qu'on a un peu plus revu, surtout vers la fin de sa vie, au début des années 2010. On l'avait vu dans The Ghostwriter de Roman Polanski, notamment. C'est un acteur, en fait, qui et je pense que ça vient de son rôle et du côté un peu plus humain qu'on a dans Le Bon, la Beauté et le Truand. C'est un acteur qui a toujours eu quelque chose de touchant, finalement, dans tous les films dans lesquels on l'a recroisé. Et je pense qu'il le doit beaucoup à Sergio Leone. Alors, si je peux me permettre, sur Lee Van Cleef, c'est une case assez étonnante, parce que il était complètement à la ramasse avant que Sergio Leone lui propose le film. Il arrivait même plus à payer ses notes de téléphone. Et après le succès de ces deux films de Leone, il a tourné beaucoup en Italie, notamment avec Sergio Solima, qui est un des grands cinéastes italiens, qui a fait énormément de westerns, très historiques, très marxistes, et une vision marxiste de l'histoire, passionnant à regarder, notamment Colorado. Et c'est là encore, c'est une autre facette du western spaghetti, qui pour le coup revisite aussi l'histoire, mais sous l'angle de la lutte des classes, qui est absolument passionnant. Et quant à Eli Wallach, d'abord c'est un acteur, c'est l'acteur studio, c'est Marlon Brando, c'est le mec très intello, qui se pose mille questions sur ses rôles, etc., et que Sergio Leone a réussi à totalement débrider. D'ailleurs, son rôle n'était pas aussi, ce personnage n'était pas aussi important dans ce film qu'il était prévu. C'est lui qui a inventé plein de trucs, notamment quand il se signe d'une façon un peu particulière, ce qui est un petit peu agacé Clint, ce qui a sans doute amené la fâcherie. Mais qu'est-ce qui n'agace pas Clint? Oui, bah, ça, en tout cas, ça l'a agacé. Et qui a sans doute amené le petit froid qu'il y a eu entre Leone et Eastwood. Parce que c'est vrai que le personnage le plus passionnant, c'est celui de Tuco, quand même. D'abord, et Lee Wallach est absolument formidable. C'est celui qu'on aime le plus, qu'on aime revoir, parce qu'il fait des mimiques, parce qu'il est très expressif, parce qu'il est drôle, parce qu'il est méchant, parce qu'il est naïf, parce qu'il est bon enfant, parce qu'il est, voilà, il est brut, il est tout. Et c'est vraiment Wallach qui s'est accaparé le personnage et qui l'a sans doute rendu, lui a donné une autre dimension que Leone souhaitait. Et c'est sans doute une des raisons pour laquelle le film est aussi réussi. Ah ! Vous l'entendez qui arrive sur sa monture faite de pur son, Sharon Van Etten avec Anything. Sometimes traître, espèce de salaud! Blockbuster. Reviens! Où vas-tu? Descends de cheval si t'es un homme! Descends de cheval! Sur France Inter. On vient d'entendre Anything de Sharon Van Etten. Tu as des parents, Blondin? Ta mère? Non, même pas ta maman. Tu n'as personne. Tu es seul, hein? Comme moi, Blondin. On est seuls tous les deux. Je n'ai que toi et tu n'as que moi. Il n'y a encore pas tellement de temps. Oh, quelle chienne de vie! Oh, il a fallu que ça arrive juste au moment où on allait empocher les dollars. Sacré démon! Il faut que je te dise une chose, Blondin. Tu ferais pareil si tu te trouvais à ma place. Vois-tu, pour toi, c'est fini, Blondin. C'est un miracle si tu as échappé. Oh, malédiction, tout est de ma faute. À moi, rien qu'à moi. Écoute, j'ai quelque chose à te dire pourtant. Si je savais que ma dernière heure est arrivée, je te jure, si ensemble je me trouvais à ta place, je te jure que je dirais où sont les dollars, je te le jure devant Dieu. Je dirais quel nom est marqué sur la tombe. Quand on est mort, qu'est-ce qu'on en a à faire des sous? Moi, je sais le nom du cimetière, mais j'arriverai jamais à trouver la tombe. Je te donne ma parole que dès que j'aurai ces dollars, je n'aurai ta mémoire. Romain Patureau, on n'a pas parlé de cette collaboration amitié d'enfance avec Ennio Morricone. Oui, parce que les deux étaient compagnons, camarades de classe. Et quand ils ont commencé à travailler ensemble, ça a été le coup de foudre. Après, ça a été une relation qui a continué jusqu'au bout. Je pourrais même pas dire ce que c'est le dernier western sur lequel ils ont travaillé sous les deux. Est-ce que c'est Il les a fait tous, donc les a vraiment fait tous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu surtout dans l'histoire d'Ennio Morricone, c'est qu'il y a eu les années 60, western spaghetti. Après, il est retourné sur des musiques un petit peu plus qu'il aimait bien, la musique alternative, la musique expérimentale. Il a été, par exemple, sur The Thing de Carpenter. Et après ça, il est reparti de nouveau sur du western avec Les Incorruptibles. Et même après, quand il avait encore arrêté dans les années 2000, où tout le monde lui faisait des hommages parce que c'était un dieu vivant, Tarantino arrive. Et il l'avait pas eu sur Inglourious Bastard. Du coup, il l'a pris sur les 8 salopards. Et New Morricone jusqu'à la fin de sa vie. Il a Kill Bill aussi, il a fait les Kill Bill quand même. Il était sur la musique de Kill Bill. Il y avait des musiques de New Morricone. Il reprend des musiques de Kill Bill. New Morricone. Ouais, parce qu'il y a le Bon Gatsuyan, il y a Itramento dans le 2. Mais c'est fou en fait ce type, New Morricone, qui a été tout le temps inspiré, même quand l'âge d'or des western spaghetti était terminé, que les westerns commençaient justement à tomber, avant le retour des westerns modernes dans les années 2000. On parlait de 3h10 pour Yuma, par exemple. C'est vrai que, lui, il a continué. Il y a eu, parce qu'en plus, il a fait dans plein de genres, du film d'horreur avec The Thing, plus sentimental avec Cinéma Paradiso. Il a été dans toutes les directions. Et à chaque fois, il était, je sais plus quel réalisateur qui avait dit, s'il y a Ennio Morricone si Ennio Morricone fait la musique du film, il n'y a même pas besoin de faire le film, en fait. Mais d'ailleurs, assez souvent, quand on parle du style de Sergio Leone, parce que c'est aussi des idées de cadrage purement cinématographique, c'est toujours très difficile d'expliquer le cinéma avec des mots, parce que c'est un média visuel. Mais la manière dont Sergio Leone pose sa caméra... filme le temps qui passe lentement. Je repense évidemment à ce début, cette ouverture de Il était une fois dans l'Ouest, avec la goutte d'eau qui tombe sur le chapeau, le siège qui se bascule comme ça. C'est du génie, parce que dans le scénario, il y a le train arrive. Et tout le reste, c'est Sergio Leone et ensuite Ennio Morricone qui anime ça. Et on est vraiment face à un réalisateur qui fait du cinéma. Ça a dû être difficile d'être perçu par les critiques de l'époque parce qu'il a amené une grammaire. On l'a écouté tout à l'heure, ils n'avaient rien compris, mais Pourquoi est-ce que Morricone et Léon se sont si bien entendus? À mon avis, c'est parce que, en fait, Léon faisait un cinéma musical. Sa mise en scène, c'est une mise en scène baroque. On sait que le baroque a été inventé en Italie, que Léon adorait ça, et que il s'est dit, je vais essayer de réinventer ça. Et le baroque, c'est quoi? C'est la mélodie et le contrepoint, pour résumer un peu grossièrement. C'est-à-dire, à un moment donné, on est pris dans une grande mélodie, et puis on en voit des fois chez Morricone aussi beaucoup. Et puis, tout d'un coup, il y a une rupture, il y a un truc très bizarre qui se passe. Et là, on est, c'est comme si on était pris dans le chemin de la mélodie, et puis d'un coup, on était un peu réveillé. C'est un peu comme ça que le baroque fonctionne. Et la mise en scène de Léon, il a inventé ça, c'est-à-dire des grands plans classiques, parfois des scènes où là, on voit le classicisme américain qui revient, et puis tout d'un coup, un gros plan, une apparition de hors-champ qui arrive dans le champ. Et la façon musicale qu'a Léon de reconduire le baroque, de mettre le baroque à l'écran, on le sent aussi chez Morricone, avec ce qu'il a utilisé, les bruits de coyotes, et tout ça. Ce qu'a fait d'ailleurs, c'était pas le premier, hein, Bernard Herrmann dans Psychose, par exemple, de Hitchcock, donc parce que tout le monde s'influence les uns les autres, bien évidemment. Mais ce côté baroque, c'est ce qu'a vraiment inventé Léon, et ce que les critiques n'ont pas compris. C'était effectivement, comme vous disiez Frédéric, une nouvelle grammaire, une nouvelle façon de raconter. Je dis toujours que c'est à la fois être dans le film et être à côté. À un moment donné, on est dans le cinéma, dans le rythme du film, et à un moment donné, Léon fait en sorte qu'on s'en aille, qu'on s'en recule, qu'on prenne la distance nécessaire pour essayer de comprendre ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on comprend le film, on comprend la mise en scène, et on est en même temps dans l'histoire. Et c'était une façon extrêmement nouvelle de raconter des histoires. C'est pour ça que c'était aussi une façon très démythificatrice sur l'histoire américaine, quoi. On est tout le temps à se demander, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? Est-ce que ce qu'on voit, c'est effectivement la vérité, la légende, la réalité, ce que racontait John Ford? Et ça, c'est le grand apport de Sergio Leone, c'est-à-dire que nous mettre, nous, spectateurs, dans une position où on est à la fois dans l'histoire et hors de l'histoire. Et je pense que ça, c'est la révolution de Sergio Leone. Maximilien Pierrette, il y a énormément de réalisateurs qui se revendiquent de Sergio Leone, qui lui rendent des hommages, mais est-ce que aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a un Sergio Leone de 2022 où on reste sur des remakes, sur juste la dimension d'hommage? Non, pour moi, il n'y a pas de successeur vraiment. Et on pourrait dire qu'il y aurait Quentin Tarantino, parce qu'on parlait de Kill Bill tout à l'heure, de Reservoir Dogs, même quand on écoute les extraits depuis tout à l'heure, c'est vrai que Inglourious Basterds, qui est le film, qui est le croisement entre Western Spaghetti et film de guerre de Quentin Tarantino, c'est entre guillemets vraiment son Le Bon, la Brute et le Truand. Je pense que c'est peut-être le cinéaste qui s'en rapproche le plus, mais il est beaucoup aussi dans l'hommage. Mais je pense pas qu'il y ait un réalisateur en fait qui arrive à nous marquer en fait par une telle ampleur comme le faisait Sergio Leone à l'époque. Sur d'autres registres, oui, des cinéastes genre dans l'épouvante, dans l'horreur notamment, des cinéastes beaucoup plus contemplatifs en fait, qui pareil se passent beaucoup des mots comme le faisait Sergio Leone. Mais vraiment un cinéaste qui, que tu sois sur ta télé ou au cinéma, t'envoie des images que tu prends comme une bourrasque en pleine figure en disant waouh. J'en vois pas vraiment. Après, c'est aussi parce que de nos jours maintenant, souvent les réalisateurs vont faire un ou deux westerns. On va en faire beaucoup. Je pense par exemple à Ang Lee qui avait fait, je crois que c'était en 99, Chevaucher avec le diable, où c'était la musique, c'était Michael Dana. La musique qui faisait très déjà, qui faisait un style vraiment qui était très Ennio Morricone. Mais voilà, Ang Lee, il a juste fait ça. Après, il a été sur Hulk. Changement total d'ambiance. Et pareil, alors je me souviens plus David Ayer sur, c'était lui qui avait fait le remake des Sept Mercenaires. Oui. Qui est un bon film que j'ai beaucoup apprécié. Mais pareil, derrière, David Ayer, lui, il est parti dans d'autres directions. Il est parti sur Suicide Squad. Avant, il a mis fin à sa carrière. Suicide Squad, ça l'a marqué. Oui, mais avant, il avait fait des. Il avait fait Fury, le film de guerre. Il avait fait Fury aussi. Puis avant, il avait fait un Training Day. Mais c'est vrai, genre un western en plein milieu. Et c'est pareil pour 3-10 pour Yuma. On a l'impression que c'est un peu genre un exercice de style ou un passage obligé. C'est le moment où tu dis tiens, je vais essayer de faire un western pour voir ce que je veux là-dessus. À la limite, tu aurais peut-être les frères Cohen qui en ont fait un petit peu plus, si on considère Brothers par exemple comme un western. Évidemment, True Grit, qui est le remake du film avec John Wayne. Et personnellement, j'ajouterais Choi Hark, qui pour moi, dans les mêmes inventions visuelles, a su amener quelque chose de frais et de nouveau, comme avait pu le faire Sergio Leone. Puis c'est vrai qu'on a aussi un réalisateur coréen qui s'appelle Kim Ji-woon, qui a fait un film qui s'appelle littéralement Le Bon, la Brute et le Cinglé. Oui, en termes d'hommage, qui reprend la même trame, bien sûr. C'est la fin de cette émission. Romain Patureau, Éric Libio et Maximilien Pierrette, je vous remercie infiniment. Je remercie également Sybille Clamence à la technique et François Saint-Jour au mixage. Chers auditeurs, vous pouvez comme d'habitude nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. J'allais oublier. Il m'a donné 1000 dollars pour que je te tue. Mais l'ennui, c'est que moi, je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Tu le sais, n'est-ce pas? Non! France Inter.